cão é pra cima. Sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver après deux semaines d'interruption. Et oui, des petits soucis personnels, mais rien de bien grave, rassurez-vous. Je suis là en pleine forme, Electric Shock est là pour vous décrasser les tympans, donc ce soir pendant 2 heures. Donc ce soir, ce qui vous attend, et bien 2 heures de métal pur et dur, enfin un petit peu de tout comme d'habitude, où j'aurai donc 4 nouveautés à vous proposer. Et puis des petites choses un petit peu plus anciennes, bien évidemment. Évidemment, ça fera aussi un petit hommage à John Lord, le grand organiste de Deep Purple, qui est disparu de ça maintenant une dizaine d'années, mais qu'on n'oublie pas. Et donc, plein de choses, comme toutes les semaines. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Vous êtes bien bien fraîches? Et bien, moi, si je vous envie, on va commencer tout de suite de façon très rock 70s avec le dernier album de Rival Sons, Dark Fighter, donc ce qui est sorti début juin et qui est vraiment un des coups de cœur d'Electric Shock, comme son précédent Feral Roots. Moi, j'ai qu'une hâte, mais bien que je ne sois pas spécialement pressé, c'est de découvrir le deuxième volet qui s'appellera Light Fighter, dont je pense qu'il sortira d'ici la fin de l'année. En attendant, on va se délecter de cet album avec le morceau Bright Light. someone's hand to lead me through the night. I need someone's arms to hold and squeeze me tight when the night begins. I'm at an end, 'cause I need your love so bad. Need some lips to feel next to mine. Need someone to stand up. Classique du blues, du gospel, du rhythm and blues et de la soul. Ce morceau de Little Will John ne pouvait qu'aller à la voix magnifique de David Coverdale. C'était donc le morceau Need Your Love So Bad, qui était donc le single en avant-première de l'album Slide It In, sorti en 1984, où on retrouvait bien évidemment au clavier le regretté John Lord de Deep Purple, qui a longtemps fait partie de Whitesnake en même temps. Donc ça, c'est un hommage donc à ce grand monsieur. Rock, blues aussi n'ont pas de secret pour eux, c'est des Rival Sons et leur dernier album Dark Fighter, et c'était le morceau Bright Light. Et bien maintenant on va se faire un petit peu de furieux, et c'est pareil, on va faire un petit bond dans le temps, on va se retrouver en 1984, à l'époque où un groupe allemand de tout jeunes gens qui avaient quoi, les 16-17 ans, répétaient dans leur cave et inventaient presque le death metal, voire même le black metal sans s'en rendre compte, c'était Tormentor qui allait devenir Creator plus tard. Et là, vient de sortir sur le label allemand High Roller, presque à la surprise générale, un CD plus un DVD regroupant donc des démos donc de l'époque de Tormentor, plus des répétitions de Creator à leur tout début. Alors un son vraiment très roots, et ça permet d'écouter donc les premières versions de certains morceaux qu'on retrouvera plus tard sur Endless Pain, leur premier album mythique de la légende germanique. Donc on va se faire un extrait donc de la première démo du groupe qui s'appelle à l'époque donc Tormentor, qui s'appelait donc End of the World, qui avait été enregistré en 1984. Et on va se faire là maintenant le morceau Bone Breaker. Alors, à comparer avec la version avec Endless Pain. Alors, le son, c'est vraiment du son de démo de 84, hein, je vous dis. Alors, attention, ça arrache les oreilles, c'est clair, mais qu'est-ce que c'est bon? Mmh. Petite dédicace à tous les anciens qui ont connu la scène trash orléanaise des années 90. C'est ouais, Capharnaüm, avec un extrait de leur démo sorti en 91, qu'on peut retrouver sur leur premier CD autoproduit qui était sorti en 1993 et qui vient de ressortir là récemment, incrémenté donc de quelques titres bonus live. Et donc Capharnaüm, dont Laurent était venu nous rendre une petite visite au mois d'avril, souvenez-vous, pour nous remémorer tout ça, ainsi que leur précédent groupe Drifter. Donc Laurent, si tu nous écoutes, grosse bise virtuelle, voilà. Donc c'était Shadow of the Dark, juste avant donc la première nouveauté de la semaine, avec la réédition sur CD de la première démo de Creator, qui à l'époque s'appelait Tormentor. Cette démo c'était End of the World, et cet album s'appelle Bone Crushing Demos and Rehearsals 84-85. Il est plein à la gueule, donc il contient donc les deux démos de Tormentor et deux séances de répète de Creator plus tard dans les années 85, en 85, ainsi qu'un DVD de 86 que je n'ai pas encore eu le temps de visualiser, donc je vous en parlerai une prochaine fois. Bon, maintenant, changeons d'univers. Retrouvons maintenant les Parisiens de Corvius et leur métal cinématographique et leur premier album Signals. Et on va se faire un morceau qui s'appelle Beneath Humanity. Thank you. Beneath Humanity, Corvius, extrait donc du premier album Signal sorti au printemps dernier. Revenons maintenant à une légende du rock que on n'oubliera certainement jamais, Lemmy de Motorhead. Donc on a eu un nouveau live encore ressorti là au mois de juin, enregistré au festival de Montreux en 2007 pendant la tournée Kiss of Death, et sur ce live figurait une reprise du classique de Bob Seger que Thin Lizzy aussi avait popularisé. Et que Motorhead sur cette tournée avait remis au goût du jour. D'ailleurs, je me souviens quand je les avais vus au Zénith sur cette tournée-là, j'avais été surpris d'ailleurs de voir qu'ils avaient ressorti des vieilleries comme Snaggletooth, des choses comme ça. Et ce petit morceau était vraiment la cerise sur le gâteau, vraiment la petite surprise quand on sait que Motorhead avait des setlists vraiment on ne peut plus rigides et on savait à quoi s'en tenir. Ouais, ils sont pas les seuls, hein, à CDC, c'est un peu la même chose. Donc là, c'était vraiment une agréable surprise. Donc extrait de ce live à Montreux Jazz Festival, cette petite reprise ce soir. reconnu, j'imagine, le classique des Stones, Brown Sugar, sans problème. C'était les Hollywood Vampires. Hollywood Vampires, ce super groupe composé d'Alice Cooper, de Joe Perry et de Johnny Depp, entre autres. Et là, c'était enregistré à Rio en 2015, donc extrait du CD-DVD. Live in Rio, sorti au début juin. Sorti à peu près en même temps aussi, ce live at Montreux Jazz Festival 2007. C'était donc Motorhead, qui lui s'acoquinait une reprise de Bob Seger, popularisée par Thin Lizzy, Rosalie. Ça va toujours? Bah tiens, revenons aussi à des coups de cœur d'Electric Shock ces dernières semaines. C'est l'album iconoclaste de Avenged Sevenfold, Life is But a Dream, comme je vous l'avais dit ces quelques dernières semaines. Un album dont j'attendais pas grand-chose vu les déclarations du chanteur M. Shadows. Et c'est vrai que la première écoute peut paraître assez déconcertante. Même après beaucoup d'écoutes, je dois avouer que ça l'est toujours autant. Mais je suis rentré dans leur trip, c'est clair. Et du coup, c'est devenu vraiment un de mes coups de cœur. Je pense que c'est un album, il n'y aura pas de demi-mesure. Hein. Soit vous adorez, soit vous détestez. Alors là, ce soir, on va se faire non pas un extrait, pas deux, mais trois. Parce que je trouve que ces morceaux sont tellement imbriqués l'un dans l'autre qu'on peut pas les dissocier. Alors, on commence avec un riff un peu à la System of a Down, après on part d'un délire à la Daft Punk, et on finit un petit peu à la Frank Sinatra. Enfin, tout ça, c'est bordélique à souhait, mais c'est vraiment fabuleux. Enfin, je vous invite qu'une chose, c'est d'écouter maintenant. Donc, ces trois morceaux, le premier s'appelle G, la lettre G, tout simplement. Le deuxième, c'est Ordinary, avec un O entre parenthèses. Le troisième, D, Def, avec un D entre parenthèses, puisque les trois réunis forment God, tout simplement. Ou est conceptuel, hein, je vous dis. Allez, Avenged Sevenfold tout de suite. Yeah. I stare out in the distance of the city sea. Ne triturez pas votre appareil, vous êtes bien sur le 96.2 et c'est bien Electric Shock, l'émission métal comme tous les mardis soirs entre 19h et 21h. C'est à l'instant, on n'a pas eu un ni deux mais trois extraits du déconcertant Life is but a Dream de Avenged Sevenfold avec G tout d'abord, le morceau Ordinary ensuite et Death à l'instant. Quand je vous disais que c'était vraiment barré de chez barré, il y en a vraiment pour tous les goûts sur cet album. Donc vraiment à écouter avec beaucoup d'attention. Maintenant, bah tiens, on va se faire une nouveauté, la deuxième de la soirée. On va aller faire un tour du côté de Colmar, découvrir le groupe 12 Diversions, qui vient de sortir son premier album, qui a sorti son premier album là au printemps dernier, qui s'appelle Forwards Become Backwards. Alors, c'est un duo qui nous fait un duo un peu électro-rock, mais quand même avec des guitares quand même très brutes. Car on est quand même pas très loin de Nine Inch Nails ou de Young Gods, ce genre de groupe, tout en étant pas loin non plus de Archive par moment, avec un côté un peu gothique. Enfin, il y a des choses très intéressantes sur ce premier album, comme on va s'en rendre compte tout de suite avec le morceau Revolution. We'll be right back. Undead Witches, c'est un extrait du premier album de The Abbey, World of Sin, juste avant. Deuxième nouveauté de la soirée avec les Strasbourg, enfin les, que dis-je, les Alsaciens de 12 Diversions, c'est leur premier album Forwards Become Backwards, c'était le morceau Revolution. Je pense que si vous écoutez Electric Shock, c'est que vous aimez le heavy metal épique et que Living Evil, qui est sur les antennes depuis plusieurs semaines, doit vous ravir. Donc un petit extrait de Prayers and Torments va vous, je pense, décrasser les oreilles et vous faire sourire au maximum, car ce morceau est vraiment magnifique. C'est le morceau Through the Night. Très bon cet album Prayers and Torment de Living Evil, n'est-ce pas? C'était Frozen Night à l'instant. Et maintenant, allons faire un petit tour du côté de Toulouse. Retrouver le groupe de métal alternatif Loud Anonymity et son nouvel EP Nuances que je vous avais présenté il y a 15 jours. Et on va se décrasser les esgourdes avec Away From Home. Do you feel that every bit? Bomb the Way, ça c'est un extrait du premier EP Full Mental Racket des Parisiens de Broken Bomb. Juste avant, c'était Loud Anonymity avec un extrait d'une nouvelle EP Nuances, Away from Home. Et à plus de 20h10 sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, Electric Shock continue jusqu'à 21h. Il va être temps de vous présenter la troisième nouveauté de la soirée avec le staccanoviste du blues rock. J'ai nommé donc Joe Bonamassa, qui nous, au printemps dernier, nous a ressorti un énième live, encore un de plus, qui s'appelle Tales of Time. Alors celui-ci a été enregistré à Red Rock dans le Colorado, un site superbe. Si vous avez déjà eu l'occasion de visionner la vidéo de U2 Under Blood Red Sky, c'est là aussi que ça avait été filmé. Donc ce Tales of Time est disponible en CD, DVD ou CD plus Blu-ray, donc régal du son et de l'image. Et ce live n'est pas spécialement redondant par rapport au précédent, puisque celui-ci, qui a été enregistré le 8 août dernier, donc vous voyez très récemment, fait la part belle à Time Clocks, le dernier album studio, son 15e, qui était sorti fin 2021, où il y avait d'ailleurs beaucoup d'extraits de cet album fortement représentés, comme le Notches d'ailleurs qui ouvrait le concert et qu'on va s'envoyer maintenant. Nouveauté de la soirée, la troisième, le nouveau live de Joe Bonamassa, Tales of Time, et c'était donc le morceau Notches. Voilà. La suite, eh ben, tiens, on va faire toujours du heavy power metal. Revenir avec l'album de Chris Aor qui est sorti au printemps dernier, Forward. Et bah tiens, on va le dédier à l'ami Chris Forzik et de Prisma, qui m'a dit en avant-première que déjà le Chris Fest numéro 3 est déjà bouclé et qu'il y a une grosse tête d'affiche. Donc voilà, ça c'est pour vous faire languir. Il faudra attendre le mois d'avril et puis bon, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. En attendant, extrait de l'album de Chris Aor, The Gate. Stargate, un extrait de Forward, le dernier album de Chrysaor. Eh bien, en regardant les comptes rendus de concert, je me suis aperçu que Guns N' Roses était venu jouer à Paris, à Nanterre plus exactement, à La Défense jeudi dernier. Et apparemment, leur concert a duré comme 3h30. Quand même, là-dessus, on peut pas dire que le public a été volé, même si tout le monde était d'accord pour dire qu'Axl Rose, maintenant vocalement, c'est plus ce que c'était. C'était quand même un très grand concert. Mis à part le son, apparemment, la salle est vraiment peu faite pour les concerts de rock. Mais enfin, bon, voilà. En attendant, on va se replonger, un petit peu dans l'âge d'or de Guns N' Roses. Avec, on va se faire deux petits extraits du live Era 87-93. Avec deux classiques de Appetite for Destruction en live. Tout d'abord, It's So Easy. fait toujours du bien d'entendre ces deux classiques de Guns N' Roses, Welcome to the Jungle et It's So Easy, extrait donc de l'unique album live du groupe Live Era 87-93 qui était sorti en 1999. Et bien maintenant, revenons à quelque chose de plus actuel, puisque ce sera la quatrième nouveauté de la soirée, avec la compile United Guitars Volume 4. Et oui, depuis quelques années, on est habitué maintenant à avoir des compilations de guitaristes français. Sous l'impulsion de Ludovic Egras, rédacteur en chef du magazine Guitar Extreme. Les trois volumes ayant très bien marché, elle a décidé de continuer. Donc double CD avec de la fine fleur du rock, du blues, du jazz français, avec plein de gens, même des pointures internationales telles que Robin Ford qui viennent jouer là-dessus. Et une nouveauté cette année sur cet album, il y a des morceaux également chantés. Mais bon, 90% c'est de l'instrumental. Donc à tout seigneur, tout honneur, justement, on va se faire un morceau de l'initiateur du projet Ludovic Egras qui s'appelle Starry-Eyed Dreamers. Très satriennesque ce morceau, n'est-ce pas? C'était donc Starry Eye Dreamers, extrait donc de la compil United Guitars Volume 4, et donc c'est la dernière nouveauté de la semaine. Et c'était donc le guitariste et aussi initiateur du projet, Ludovic Egraz. Et bah tiens, je me dis que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé un petit extrait de Drop Dead Chaos, groupe de néo-indus metal Underneath the Sun, son premier album, et on va se faire des pensées, des noires pensées, puisque le morceau qui vient, c'est Black Folds. We'll be right back. tambour du Bronx avec un extrait de Evolution, leur dernier album, le morceau Ghost, et juste avant Drop Dead Chaos et leur album Underneath the Sound, c'était le morceau Black Folds. Il nous reste 3 minutes, le temps de se faire un dernier petit morceau et de se dire au revoir. On va se faire un petit peu de glam metal, on va revenir à l'album parodique des Steel Panther avec l'album of the Prowl, et on va terminer avec All That and More, et après on se dira au revoir. C'est bien Steel Panther qui termine Electric Shock ce soir, mais non pas All That and More, mais Sleeping on the Rollaway. Ouais, voilà, c'est une petite erreur, mais bon, on a terminé avec Steel Panther, comme c'était dit, voilà. C'était donc le dernier morceau pour Electric Shock ce soir, donc ne ratez surtout pas la semaine prochaine, car ce sera la dernière émission de la saison, et pour ça, ça va être une émission spéciale, puisque on va ressortir la machine à remonter le temps, et ainsi que la DeLorean, puisqu'on va se retrouver en 1983 avec un programme. Donc, pourquoi l'année 1983 ? Pour en savoir plus, il faudra être à l'antenne sur Radio Arc-en-Ciel mardi prochain. Donc, je vous dis au revoir, mais restez bien branchés sur Radio Arc-en-Ciel, parce que la musique continue maintenant avec le Pifor, puisque Electro Live, c'est tout de suite maintenant. Bonsoir Christophe. Salut, bonsoir à toutes et à tous. Donc, qu'est-ce que tu nous prépares, un after du Cocorico Festival? Un truc plutôt house ce soir. J'ai une playlist de 200 titres, bon, je vais pas jouer les 200, mais peut-être 70 titres house, ouais, avec un peu de tech house. Bon. Suivant mon envie. Voilà, donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. La musique continue tout de suite maintenant en compagnie de Christophe et d'Electro Live. Je vous remercie. Et moi je vous dis à mardi prochain. Salut à tous.